va-t-il se rapprocher ? Poser sa main là. Elle se dit, j'ai pas fait la bonne chose qui va. On attend le prochain épisode cœur battant. On le voit bien trop loin. On s'accroche à l'instant. À l'arrêt de bus. Au café sur un banc. Où que ce fût. Quand c'est le bon moment. Premier baiser bien rangé au fond de ma mémoire. Premier baiser dérangé par trop de faux espoirs. Premier baiser échangé contre l'ivresse de ta voix. Dans mes filets. Et j'en rêve encore le soir. Au milieu des fumées. Regarde dans les étoiles. Comme je t'attendais. Faut qu'on mette les voiles. Au milieu des gens qui courent. L'ombre du cinéma. Même un furtif amour. Comme on le chérira. Tant aimé que j'aimerais oublier. Premier baiser délaissé d'avoir trop essayé. Va-t-elle me regarder? C'est elle seulement que de peur je me garde. Que des fois je lui mens. Premier baiser sous la pluie. C'est romantique la pluie. Romantique à souhait, alors autant tout tenter.